Nouveau conte de Noël par Paul Arène. 1. La vraie tentation du grand Saint-Antoine. Conte pour la Noël. Dédié à mes petites amies Jeanne et Madelon Dauphin. Saint-Antoine poussa la porte et vit dans sa cabane une demi-douzaine d'enfants tout petits montés du village malgré la tourmente pour lui apporter du miel et des noix, friandises que le bon ermite se permettait une fois l'an le jour de Noël à cause de son grand âge. « Mettez-vous en rond, mes amis, et jetez dans l'âtre quelques pommes de pin pour que la flamme éclaire. Bien, maintenant faites place à Barabbas. » Le fidèle Barabbas a si grand froid que son groin en pelle et que sa queue raidie ne peut plus se détortiller. Les enfants toussèrent, se mouchèrent. Barabbas, car tel est le vrai nom que portait le cochon de Saint-Antoine, Barabbas, ses sabots voluptueusement fourrés dans les cendres chaudes, grogna. Le saint rabattit son capuchon, secoua la neige de ses épaules, passa sa main sur sa belle barbe grise où pendaient des chandelettes de glace et s'étant assis, il commença. « C'est donc ma tentation qu'il faut que je vous conte. »« Oui, bon Saint-Antoine, oui, grand Saint-Antoine. »« Ma tentation, mais vous la connaissez aussi bien que moi, ma tentation. »« On l'a mille fois dessinée et peinte, et vous pouvez contempler sur mon mur, collectionné soigneusement, Dieu me pardonne cette manie peut-être vaniteuse, toutes les estampes vieilles ou nouvelles consacrées à ma gloire et à celle de Barabbas. » Depuis l'image d'Épinal qui coûte un sou, chanson comprise, jusqu'au chef-d'œuvre admirable des Téniers, des Bruegel, des Callot. Vos mamans, à coup sûr, vous emmenez voir au Luxembourg sur le théâtre des marionnettes mon pauvre ermitage, tel qu'il est ici, avec la chapelle, la cabane, la cloche suspendue à la fourche d'un arbre mort, et moi, au milieu, en prière, tandis que Proserpine m'offre une coupe et qu'un paquet de diablotins, balancés au bout d'une ficelle, se cognent en poursuivant Barabbas, effrayé. Bientôt même, quand vous suivrez l'école, ce qui, je l'espère, ne saurait tarder, vous pourrez, à travers les vitres de la bibliothèque paternelle, lire ces mots « La tentation de Saint-Antoine » par M. Gustave Flaubert, inscrits en lettres d'or sur le dos gaufré d'une belle reliure. Car M. Flaubert est habile homme, quoiqu'il n'écrive pas pour les petits-enfants de votre âge, et sur mon compte assez exactement renseigné. De leur côté, les artistes, dont je vous parlais tout à l'heure, n'ont oublié aucun des diables qui, à diverses reprises, me tentèrent. Ils en auraient même ajouté plus tôt. C'est pourquoi mes enfants, à revenir sur des événements si connus, je craindrais vraiment d'avoir l'air de radoter. « Oh, Saint-Antoine ! Oh, grand Saint-Antoine ! » « Si je vous disais quelque autre chose ?» Non, la tentation, la tentation. Allons, fit Antoine en souriant. Je vois bien que je n'échapperai pas à la tentation cette année encore. Mais comme vous avez été exceptionnellement sage, je vais vous en conter une qu'aucun artiste n'a peinte et dont Monsieur Gustave Flaubert n'a point parlé. Elle fut terrible pourtant, n'est-ce pas Barabbas ? Et me fit rouler plus longtemps qu'il n'aurait fallu sur la pente au bas de laquelle luisent dans un grand trou les feux de l'enfer tout ouverts. C'est d'ailleurs par une nuit pareille et à l'occasion du réveillon que l'aventure m'arriva. À ce début, Barabbas, évidemment intéressé, se redressa sur ses deux pattes de devant pour écouter. Les enfants frissonnèrent et se rapprochèrent, et voici le conte de Noël que leur raconta le bon ermite. Donc, mes amis, vous vous figurerez qu'après mille tentations successives, les diables tout à coup avaient cessé de me tenter. Mes nuits devinrent tranquilles. Plus de monstres griffus et cornus m'emportant dans les airs sur leurs ailes de souris chauves, plus de suppôts d'enfer à barbe de bouc, à museau de singe, plus de fantasques musiciens essayant d'effrayer Barabbas avec leur ventre fait d'une contrebasse et leur nez qui s'évase et sonne comme une invraisemblable clarinette, plus de reines Proserpine en robe d'or semée de vives pierreries, gracieuses et majestueuses. Et je me disais, tout va bien, Antoine. Les diables se sont découragés. Nous vivions, Barabbas et moi, heureux autant qu'on peut l'être, sur notre roche. Barabbas allait, venait, me suivait partout, m'édifiant de sa candeur et me réjouissant de ses gaietés enfantines. Moi, je faisais ce que fait tout bon ermite. Je priais, je sonnais ma cloche, aux heures voulues, et dans l'intervalle des exercices et des prières, je puisais de l'eau à ma source pour arroser, dans un creux abrité, les légumes de mon jardin. Cela dura 6 mois et plus, les 6 beaux mois de solitude. Je m'endormais dans la confiance, mais pour mon malheur, le malin veillait. Un jour, aux approches de la Noël, j'étais en train de prendre le soleil devant ma porte quand un homme se présenta. Il avait des souliers ferrés, un fort bâton, un habit de velours coupé carré. Il portait sur le dos la balle des porte-balles et criait « Broche, broche, broche, fournissez, fournissez-vous de broches !» avec un léger accent auvergnat. « Vous faut-il une broche, bon ermite ?»« Passez votre chemin, brave homme. Je vis d'eau claire et de racines, et ne que faire de vos broches. » « c'est bon, ne nous fâchons pas, on remballe sa marchandise. » Pourtant, ajouta-t-il, avec un diabolique regard, en me montrant Barabbas qui, plus perspicace que moi, grognait furieusement dans un coin, « pourtant, celui-ci m'avait paru luisant et gras en suffisance, et je croyais, Dieu me pardonne, que vous le destiniez au prochain réveillon. » Le fait est que ce gueux de Barabbas, depuis que les diables ne tourmentaient plus ses digestions, s'était paré d'une graisse réjouissante. Je remarquai soudain la chose. Mais de là à manger mon unique ami, il y avait loin. Aussi, quand je vis le porte-balle redescendre le sentier, l'air penaud, sa broche à la main, songeant à cette idée qu'il avait eue de me faire réveillonner du corps de Barabbas, je ne pus m'empêcher de rire. Peu à peu, cependant, comme une mauvaise herbe qui chemine, cette infernale idée, car c'était évidemment un diable sorti des enfers qui, déguisé en colporteur, avait voulu me vendre une broche, cette infernale idée de manger Barabbas poussait ses racines en dedans de moi. Je rêvais broche, je voyais broche. Vainement, je multipliais les mortifications et les pénitences. Pénitences et mortifications n'y faisaient rien. Et le jeûne lui-même, ne faisait que surexciter mon appétit. Je fuyais Barabbas, je n'osais plus l'emmener dans mes quêtes, et lorsqu'à mon retour, frétillant de la queue, il venait affectueusement frotter sur mes pieds nus les rudes soies de son échine, je détournais les yeux bien vite et n'avais pas le cœur de le caresser. Mais je crois, mes enfants, que tout ceci ne vous intéresse guère. Et peut-être préféreriez-vous... Non, bon Saint-Antoine! Continuez, grand Saint-Antoine! Je continuerai donc, quoi qu'il m'en coûte, de réveiller d'aussi pénibles souvenirs. Que de tentations, que d'épreuves! Le diable, pour induire la créature à mal, se sert parfois des choses les plus innocentes. Près de mon ermitage, il y avait un petit bois. Je crois qu'en cherchant bien, on en retrouverait encore quelques arbres. Où de braves gens m'avaient permis de conduire Barabbas à la glandée. C'était notre promenade favorite le soir, au soleil couchant, quand la feuille du chêne sent bon. Là, je lisais, Barabbas se gorgeait de glands, et souvent même, labourant de son groin la terre humide sous les feuilles tombées, il en faisait jaillir certaines boules grenues, odorantes et noires, qu'il croquait avec volupté. « Des truffes peut-être, grand Saint-Antoine ?»« Oui, mes petits amis, des truffes, cryptogame dédaigné par moi jusque-là, mais dont le souvenir me revint tout d'un coup exact et appétissant. Si bien qu'à partir de ce moment-là, chaque fois que Barabbas déterrait une truffe, je la lui faisais lâcher d'un coup de bâton bien sec sur le plat du groin, jetant hypocritement, pour que l'infortuné ne se décourageât point, une châtaigne ou deux à la place. « Oh, Saint-Antoine !» J'en ramassais ainsi plusieurs livres. « Et vous vouliez truffer les pieds à Barabbas ?» Sans être bien décidé encore, je confesse que j'y songeais vaguement. À côté de ma porte, reprit l'ermite, après un silence, une plante apportée par le vent avait germé entre le roc vif et le mur. Ses longues feuilles d'un vert grisâtre sentaient bon, et dans ses petites fleurs violettes, les abeilles venaient se rouler au printemps. J'aimais cette plante modeste qui semblait n'avoir voulu fleurir que pour moi. Je l'arrosais, je la soignais, j'avais tout autour apporté un peu de terre, mais hélas, un matin, comme je venais d'en casser un brin du bout de l'ongle, j'eus en le respirant une rapide et tentatrice vision de quartier de porc rôtissant à la broche et inondant d'un jus doré des brins d'herbe plantés en quinconce dans la chair qui grille et se recroqueville. Ma plante, ma modeste petite plante, c'était la sauge chère aux cuisinières, et sa friande odeur n'évoquait plus désormais dans mon âme que des images de ripaille et de cochon rôti. Honteux de moi-même, j'arrachai ma sauge et donnai mes truffes toutes à la fois dans une écuelle à Barabbas qui s'en régala. Mais je ne devais pas être quitte à si bon marché. La sauge arrachée, les truffes jetées, mes tentations pourtant persistèrent. Elles revinrent même plus fréquentes, plus irrésistibles à mesure que la Noël approchait. Mettez-vous à ma place. Avec un estomac robuste encore et maigrement nourri depuis des années de légumes sans sel arrosés d'eau claire, Ce que je voyais passer au pied de mon roc, sur le grand chemin qui mène à la ville, était bien fait pour damner un plus saint que moi. Quelle procession, mes amis! Les gens de l'endroit, fidèles chrétiens, préparaient leur réveillon 8 jours à l'avance, et c'était, du matin au soir, d'innombrables convois de victuailles, chartés de cerfs et de sangliers morts, homards ficelés, poissons par pleine haute, huîtres en bourriche, poules et coqs pendus tête en bas, au bas des montures, moutons gras destinés à l'abattoir, canards et pintades, troupeaux blancs des oies qui panardent, troupeaux noirs des dindes qui secouent leurs jabots violets, sans compter les bonnes femmes de la campagne portant dans des paniers des fruits de verger mûris sur la paille et des raisins conservés frais, des melons blancs d'hiver, des œufs et du lait pour les crèmes, du miel en gâteau et en pot, des fromages et des figues sèches. Et cela sonnait, tintait, trompettait, babillait, gloussait, vacarme à friandant que dominait toujours, tentation suprême, les cris désespérés de quelque porc lié par la patte qui entraîne son conducteur et qui hurle en tirant sur sa corde. Enfin la Noël arriva, la messe de minuit dite à l'ermitage, et tous les assistants partis, je fermai la chapelle à clef et me barricadai vite dans ma cabane. Il faisait froid, froid comme aujourd'hui. Le vent de bis soufflait et la neige couvrait les champs et les routes. J'entendais au dehors rire et chanter. C'étaient mes paroissiens qui, bien emmitouflés, s'en allaient réveillonner dans le voisinage. Je regardais par le trou du volet. Çà et là, dans la plaine blanche, des feux clairs luisaient aux fenêtres des fermes. Et là-bas, la ville illuminée renvoyait au ciel rougi comme le reflet d'un immense fourneau. Alors je me rappelais les réveillons de ma gourmande jeunesse, l'aïeul présidant la table, et arrosant de vin nouveau la grande bûche calendale. Je vis les plats fumants, la nappe blanche, la flamme dansant dans les faïences et les pots d'étain du dressoir, et de me trouver ainsi seul avec Barabbas, quand tout le monde était en fête devant un maigre feu, avec une maigre racine et une cruche d'eau en train de geler, soudain une tristesse me prit. Je m'écriai « Quel réveillon !» et je ne pus retenir mes larmes. C'était l'heure qu'attendait le tentateur. Depuis quelques instants, un frémissement d'ailes invisibles montait et grandissait dans le silence de la nuit. Un éclat de rire traversa l'air, et de petits coups frappés discrètement sonnèrent sur mon volet et sur ma porte. « Les diables ! Cache-toi, Barabbas » m'écriai-je. Et Barabbas, qui avait de bonnes raisons pour ne point aimer la diablerie, se réfugia derrière le pétrin. Les tuiles de mon toit tintaient comme sous la grêle. De nouveau, tout autour de ma pauvre cabane, la bande infernale se déchaînait. Mais voici bien le plus étrange. Au lieu des bruits terrifiants et discords par lesquels mes ennemis s'annonçaient d'ordinaire, cris d'oiseaux de nuit, bêlements de boucs, ossements entrechoqués et chaînes de fer secouées, c'était cette fois des bruits très doux, vagues d'abord, et pareils à ceux que le voyageur transi entend sortir d'une hôtellerie fumante et close, mais qui, distinctes de plus en plus, finirent par se fondre en une merveilleuse musique de broches qu'on fourbit, de casseroles qu'on récure, de bouteilles qui se vident, de verres qui s'emplissent, de fourchettes piquant l'assiette et de tournebroches qui carillonnent, demandant à être remontées. Tout à coup, la musique cessa, un choc violent fit frémir les ais de ma cabane, le volet s'ouvrit, la porte tomba, et le vent s'engouffrant, ma lampe s'éteignit. Je croyais déjà respirer la suie et le soufre. Pas du tout. Le vent infernal arrivait cette fois chargé de bonnes odeurs, et sentait le caramel et la cannelle. Depuis l'entrée du vent, il faisait très doux dans ma cabane. À un moment, j'entendis crier Barabbas, on l'avait déniché dans sa cachette. « Allons bon, me dis-je, voilà les vieilles plaisanteries qui recommencent. Ils vont encore lui attacher une pièce d'artifice à la queue. Ces messieurs les démons sont peu inventifs. » Et, m'oubliant moi-même, je priai le ciel d'accorder à mon compagnon la force de supporter l'épreuve. Mais comme il criait de plus en plus fort, je me hasardai à ouvrir les yeux, et ma lampe s'étant soudainement rallumée, je vis l'infortuné martyr tenu par la queue et les oreilles, en train de se débattre au milieu d'une ronde de diables blancs. De diable blanc, grand Saint-Antoine ? Oui, mes amis, de diable blanc, et blanc du plus beau blanc, je vous assure. Déguisés qu'ils étaient en patronnet, en marmiton, avec la veste courte et le béret, ils brandissaient des lardoirs et manœuvraient dans l'air, à cheval, sur des lèches frites. Cependant, au milieu du logis, sur deux tréteaux, ils avaient placé une planche longue et couché Barabbas dessus. Près de la planche, un grand couteau, un seau, un petit balai, une éponge. Barabbas hurlait, et je compris que les diables allaient saigner Barabbas. Quelle perdition que la gourmandise ! Tant que le sang coula et que Barabbas hurla, je me sentais quelque émotion dans l'âme. Mais une fois Barabbas silencieux, « Bah, me dis-je, puisqu'il est mort, et c'est avec un sang-froid coupable, et même avec un certain intérêt, que je vis, entre les mains des infernaux marmitons, le candide Barabbas, mon cher compagnon de solitude, manipulé cruellement et merveilleusement transformé en un tas de choses succulentes. Je le vis grillé, raclé, pendu par les pieds le long d'une échelle, ouvert en long, vidé, lavé, blanc comme un lys, et sentant bon déjà dans la vapeur de l'eau bouillante, puis tranché, haché, salé, chair à pâté, chair à saucisse, tout cela avec une rapidité, une prestesse diabolique. Si bien qu'en un clin d'œil, la pierre de mon foyer s'étant couverte d'un lit d'ardente braise, les diables, hélas, n'en manquent jamais, je fus entouré de marmites pleines, de grilles chargées, de broches garnies, où, parmi des fumées odorantes comme l'ambre, dans des jus et des sauces roux comme l'or, chantaient, rissolaient, frissonnaient, cuisaient, et cela, je le confesse, à ma grande joie, les restes charcutés de celui qui fut mon ami. Soudain tout change, quel spectacle ! Un palais au lieu d'une cabane, plus de cuisine ni de braise, le mur décrépit se lambrisse, le sol battu se couvre de tapis, seules les tuiles du toit gardent leurs trous. Mais ces trous se transforment en une merveilleuse treille à jour, courant sur le plafond doré, et laissant par ses découpures voir le bleu du ciel et les étoiles. J'en avais jadis admiré l'appareil chez un homme riche de la ville, à qui je prêchais la pénitence. Et par ces trous montait, descendait une légion de petits marmitons porteurs de plats, s'entortillant dans les feuilles, se suspendant aux vrilles cassantes de la vigne, s'accrochant aux bourgeons veloutés, embrassant de leurs petits bras les grappes, se laissant glisser le long des serments verts, et couvrant de mets cuits à point une table où j'étais assis. Sur cette table il y avait de tout. Ah, mes amis, rien que d'y penser, l'eau m'en vient. Ciel, qu'allais-je dire ? Non, rien que d'y penser, le remords m'en vient au cœur. Quatre jambons, deux gros, deux petits, quatre pieds truffés, une seule hure, mais si bien nourrie de pistaches, des rillettes, des galantines rougissantes sous leurs calottes d'ambre tremblotant, des andouillettes délicates, des saucisses entortillées, des boudins noirs comme l'enfer, puis les rôtis, les hachis et les sauces. Moi, cependant, la bouche ouverte, les narines dilatées, j'admirais que sous les soies d'un humble animal eussent pu mûrir tant de choses savoureuses, et je m'attendrissais au souvenir de Barabbas. « Mais, en mangeâtes-vous, grand Saint-Antoine ?»« Presque, mes amis, j'en mangeai presque. » Déjà, je piquais ma fourchette dans la peau croquante d'un boudin qu'un diable fort poli me présentait. La fourchette entra, le diable sourit. « Vadé, rétro, vadé » m'écriai-je. Je venais de reconnaître le sourire de l'infernal petit porte-balle, cause de toutes mes tentations, qui deux mois auparavant m'avait offert une broche à acheter. « Vadé, Satanas, vadé, rétro !» La vision s'évanouit, le petit jour luisait, mon feu achevait de s'éteindre. Barabbas, aimable et bien portant, se secouait en faisant sonner sa sonnette, et, au lieu de la ronde diable blanc, des flocons de neige gros comme le poing, pénétrant par la porte et le volet qu'avait renversé la tempête, tourbillonnaient dans le vent glacé. « Et après ?» dirent les enfants, affriandés par un si beau conte. Après, repentant et le cœur un peu gros, je partageais avec Barabbas mon repas de racines, et depuis, jamais plus les diables ne sont venus troubler notre réveillon.